13 La crime. Elle était jeune, innocente, si belle. Celle qui me disait, sors dans la rue et tu vas t'y perdre. Elle voulait des enfants, de la foi et jamais souffrir. En gros, tout ce que l'argent ne peut lui offrir. Aujourd'hui, je m'en veux qu'elle ait vécu autant de frayeurs. Je serai jamais au top, tant son confort ne sera pas le meilleur. C'est plus qu'un équilibre, sur cette terre, c'est un atout. Et quand la vague arrive, pas que je l'évite, et ben elle boit tout. Cette femme est irremplaçable, rien ne pourra la combler. Elle était toujours devant, même pour se battre avec les condés. Sur les chemins par quoi je suis passé, assez, rien que d'y penser, j'ai le sang glacé, une famille décomposée, je traîne à droite à gauche, très en kidnappé par la rue, je dors dans les caves et dans les gaufres, plus t'es jeune et plus t'es con, je prends un calibre et vide les cartouches, je ne pense pas à ma mère qui jour et nuit, elle me cherche partout, partout. Plus tard je vais le payer, le mal que je t'ai fait, maman je ne pourrai pas l'oublier, les pleurs et les perquis, 580 fois le parloir, et ça c'est pas l'état, personne n'est responsable à part moi, elles sont plus que des reines, une pensée à toutes les mères, même si la tienne c'est la meilleure, au final c'est toutes les mêmes, tu peux rien, c'est dans les chaînes, jusqu'à la mort tu l'aimeras, la seule qui porte ses courses avec 300 enfants dans les bras, elle ne m'a jamais jugé, malgré mes graves fautes, je l'ai vu tant pleurer le placard et les bracos, je suis un homme, il ne faut plus que tu pleures dorénavant, les étoiles brilleront dans le ciel tant qu'il y aura des mamans. Elle m'a changé les couches, toutes les couleurs, elle a vu ma merde. Un chèque, je tuerai pour elle et sans trembler sur les yeux de ma mère. Elle m'a jamais jugé, c'est à elle que je dois ma vie. J'ai grandi maintenant, je la protège comme si c'est ma fille. Que la mort me touche, avant toi, ça je l'ai prié. Ensemble j'ai des photos, bébé, je vois que tes yeux brillaient. Mon amour pour toi tellement grand qu'il me fait peur. Si tu me quittes, les balles toucheront tout le monde comme dans un flipper. Ouais, je suis trop possessif, chérie, cette femme c'est la mienne. Lorsque je suis agressif, c'est la seule qui me verra même. Tu sais, le temps va trop vite, nous sommes déjà condamnés. S'il te plaît que tu l'aimes, dis-le 400 000 fois dans l'année. Elles sont plus que des reines, une pensée à toutes les mères. Même si la tienne c'est la meilleure, au final c'est toutes les mêmes. Tu peux rien, c'est dans les chaînes, jusqu'à la mort tu l'aimeras. La seule qui porte ses courses avec 300 enfants dans les bras. Elle ne m'a jamais jugé, malgré mes graves fautes. Je l'ai vu tant pleurer le placard et les bracos. Je suis un homme, il ne faut plus que tu pleures dorénavant. Les étoiles brilleront dans le ciel tant qu'il y aura des mamans. Les cœurs qui se déchirent, il paraît que c'est la nature. Une pensée à toutes les mères de familles battues, des bleus, des cicatrices, à celles qui souffrent en silence. Souris devant les enfants, font preuve d'un courage hallucinant. Pour elles, je serai poète, poteau, t'auras poète. Handicapé physique, ta mère te poussera dans la brouette. Et si t'as rien à manger, t'auras toujours son assiette. Couvre-la bien d'une couverture quand elle fait la sieste. Elles sont plus que des reines, une pensée à toutes les mères. Même si la tienne c'est la meilleure, au final c'est toutes les mêmes. Tu peux rien, c'est dans les chaînes, jusqu'à la mort tu l'aimeras.